Yushka, Tuki, Adrien, Funeli, Ika et Madi. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonne année et bonne santé à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast le plus hype de la galaxie pour sa sixième saison OMG. Quelle longévité mes petits doudous. Je suis Grushkov et je serai votre capitaine aujourd'hui accompagné de mon fidèle équipage composé de Ika. Bonjour à toutes et à tous. Et Madi. Bonsoir. Comment ça va mes petits bébés? Ça va nickel et toi? Ça va, comment ça s'est passé la fin d'année là, et le début, là, les quelques premiers jours de 2024, mes petits nounours? C'est la reprise du taf, c'est nul. Ah oui. Ici, très très pluvieux. Hein. Ah ouais? Nous, on a eu une tempête ici. Ah bah, mais c'est surtout aussi beaucoup de vent. Ouais, bah oui, c'était ce que Tuki disait. Il disait, vu comment ça souffle ici, ça va être pareil hein, en France aussi. Et effectivement, ça n'a pas loupé chez nos amis normands. Ouais, mais chez moi aussi. Chez nos ennemis normands, évidemment. j'ai un petit mobilier d'extérieur, là, sur ma terrasse de jardin. Et j'ai genre deux canapés en faux osier. C'est un osier de plastique. Et ça s'est envolé complètement. Ah, bah ça. C'est la première fois que ça arrive. C'est-à-dire, c'est plus dans ton jardin du tout? Si, au fond, parce que j'ai une clôture, mais au fond de mon jardin, j'ai retrouvé. Ah, ok. Bon, tu l'as retrouvé, c'est déjà ça. Je crois que ça vraiment envolé, genre, vraiment loin. Oh la vache, je suis resté à l'intérieur comme un gros ours mal léché. Pour l'hibernation. En tout cas, nous voilà maintenant en 2024. Et en toute honnêteté, lorsque nous avons fêté le nouvel an, je me suis rendu compte que cette année, j'avais absolument aucune idée de ce qui arrivera en termes de grosses sorties Star Wars. Ce qui est un peu embêtant parce que c'était censé quand même être le sujet principal hein, de Faucon Millennial à la base. Hein. On a oublié avec tous les trucs Willow, mais en fait, on parlait de Star Wars au départ. Et du coup, et ben on va remédier à ça tous ensemble, mes petits bébés d'amour. Et on va commencer par le plus gros sujet. Les séries. D'ailleurs, c'est marrant que ça soit devenu le plus gros sujet de Star Wars, maintenant. Bah, s'il y avait un film, je pense que ce serait toujours le plus gros sujet. Mais, effectivement, en l'absence de film, c'est clairement le truc qui prend la priorité. Même si, bon, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, c'est quand même le truc principal de Star Wars en attendant de voir ce qui va venir. Est-ce qu'on devrait pas commencer par ça projets. D'ailleurs, dire bah il n'y a aucun long métrage en 2024 de prévu. Ouais, aucun de prévu en 2024, mais probablement des annonces, je pense, concernant probablement le film sur Rey. Est-ce que ce sera l'épisode 12 l'épisode 10, pardon. Le mec qui veut déjà skip. Alors oui, bah on a les infos. On vient d'avoir des infos cette semaine. Avec une interview de la réalisatrice. Attends, mais j'ai complètement loupé ça. Mais merci, Ika, bravo. Ah, tu n'es plus sur Twitter, anciennement Twitter, mon cher Gruche. Donc, c'est pas étonnant que tu n'aies rien vu. Eh oui, et du coup, il y a eu une interview de la réalisatrice qui fait beaucoup déjà pleurer tous les incels et tous nos amis fans de Star Wars, puisqu'elle a dit dans l'interview... Ça a l'air trop bien. Elle a toujours fait des films avec des messages féministes assez peu subtils, et elle a dit qu'elle souhaitait faire de son film Star Wars un film qui mettait mal à l'aise les hommes. Haha, yes. Yeah. Du coup, ça fait déjà beaucoup pleurer sur les réseaux de ce côté-là, effectivement. Oh purée, et vous savez, ça me manque vraiment pas. Hein. Ah non, mais ah, ça, je comprends. Vrai. Et du coup, on apprend par le même biais que ça devrait être un nouvel épisode numéroté. Ouais, donc c'est bien l'épisode 10, hein, c'est bien ce que je pensais. C'est pas trop une surprise. Et au final, moi qui attendais pas du tout, hein, c'est très documenté le fait qu'on n'aime pas l'épisode 9 ici. Eh ben, je sais pas, j'ai quand même de l'espoir pour celui-là, je sais pas vous. Bah, c'est loin. Cette interview vend du rêve, hein, honnêtement. Entre ouais, ça et oui, oui, déjà. Daisy Ridley, qui a aussi dit qu'elle était ravie de prendre un personnage qui se voulait être torturé et qui ne faisait pas un trait sur son passé difficile. On peut imaginer qu'ils font quelque chose de consistant et dans une direction qui pourrait nous plaire. Après avoir, hein, il faudra beaucoup plus d'infos que de simples interviews, mais ouais, c'est les premières infos. Est-ce que avec Rêve, on va enfin avoir son propre film? Mais justement, lié à ça, quelques semaines, même quelques jours auparavant, je ne me souviens plus, on a notre cher John Williams qui a annoncé qu'il sortait de sa retraite. Évidemment, en disant oui, c'est juste au cas où il y aurait un projet qui arriverait et que je trouverais vraiment intéressant et qui me donnerait envie de travailler dessus. Et on rappelle hein, que la raison principale pour laquelle John Williams avait voulu faire la postlogie, c'était parce qu'il adorait Ray. Et est-ce qu'il serait pas là, du coup, de retour pour ce nouveau film, au moins? Probablement. En tout cas, c'est mon avis. John Williams, one of us. Hein. Allez. Même, je me souviens en plus, d'ailleurs, effectivement, une de ses petites interviews à l'époque de l'épisode 9 où il parlait de comment il avait fait le... Il avait juste modifié la musique de Kylo Ren de manière assez subtile pour faire le thème de Ben, qui était le même, mais le sème, putain, ça y est, le franglais est total. Le même, mais vraiment juste pour que ça sonne doux plutôt que peut-être un peu angoissant ou menaçant. Et monsieur, il disait, mais bon, je sais pas si les gens ont remarqué. Et moi, j'étais, mais si, si, moi, j'ai remarqué, Johnny. et ben, j'espère qu'il va avoir l'occasion de faire plus de musique pour ces deux-là. On peut espérer, effectivement. Et on peut aussi espérer que le fait qu'il ait pris une grosse pause, quelque part, hein, en ayant annoncé sa retraite, en sortant sa retraite. J'arrête la musique. C'est le Miyazaki de la musique. C'est tellement c'est ça. C'est ça. Et ben, on peut espérer que du coup, ce soit vachement inspiré. Parce que bon, ça n'a jamais été mauvais, John Williams, mais en soi, en général, quand il y a une période de pause, on peut imaginer qu'il a pensé à plein de choses pendant ce temps, qu'il n'a pas utilisé sur d'autres créations. Oui, effectivement. Ça aide des fois hein, de prendre son temps et puis de revenir à... Ou ça se trouve, ça sera le contraire. Hein, on va avoir le pire de John Williams qu'on ait jamais eu parce qu'il fallait pas qu'il prenne de pause, quoi. Fallait pas qu'il revienne. Putain, non, 91 ans, pardon. C'est 91 ans, il a. Enfin, faut dire, il a pas un métier particulièrement physique, hein, non plus. Bah t'as déjà vu les gens qui conduisent les orchestres et tout, les chefs d'orchestre Oui, mais c'est pas le chef d'orchestre complètement... En plus, c'est un jazzman à la base, hein. Attention, hein. Ils sont dingos. Hein. Mais d'ailleurs, bientôt 92 ans, il est né le 8 février, la vache. Bah, j'espère que je serai toujours vivant à cet âge-là. Oh non. Allez, encore 4 ans de jeune, encore 4 ans de jeune et tu rattrapes la reine Elisabeth. Allez, let's go. Allez. On lui souhaite, évidemment. Bien entendu. Sauf s'il fait de la merde. Ensuite, du coup, on repart du côté des séries, je pense. À moins qu'il y ait eu des autres news que j'ai pas vues par rapport au film. Ika. Denis Villeneuve, il a annoncé qu'il travaillait déjà sur le prochain Dune. Ah oui, mais c'est ça, c'est pas un sujet. Ika, stop. Stop, ça c'est après, c'est à la fin, on en parle à la fin, j'ai fait un truc exprès pour toi à la fin. Bref, merde, j'avais pas vu, j'étais pas descendu dans le... Les séries, The Acolyte, yay! La série par Leslie Adler, qui se passe à la fin de la Haute République, qui sortira en 8 épisodes cette année. J'ai pas vu de date plus précise que ça, c'est juste en 2024. Mais vu que ça s'était fini, j'imagine bien aux mêmes dates que Ahsoka cette année. C'est-à-dire fin août, début septembre, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vrai qu'il n'y a pas de date. C'est même pire que ça, c'est qu'on n'a pas grand-chose, parce qu'ils n'ont pas vraiment commencé la communication autour de la série. Elle est tournée, il y a eu une bande-annonce qui a été faite en petit comité lors de la... C'était quand la célébration. C'était la célébration. En avril. Ouais, c'était la célébration. Ça fait bientôt un an. Donc le projet, il est plus qu'avancé. On est certain et certaine qu'il va sortir en 2024. Mais par contre, pas de certitude et aucune date de donnée pour l'instant. Bon, par contre, on connaît une bonne partie du cast. Par exemple, Amanda Stenberg en rôle principal. Jun Jae Lee, l'acteur principal de Squid Games. Vous vous souvenez de Squid Games? Manny Jacinto, Daphne Keane. Il n'y avait pas Carrie Ann Moss. Et on a vu... Si, il y a Carrie Ann Moss qui joue un Jedi. On a vu Rebecca Henderson qui joue Vernestra Rowe, que les gens qui aiment les livres de la Haute République connaissent évidemment, la best. Et évidemment, on a vu justement à la célébration de Junas Sotamo, notre cher Wookie national, Chewie, qui revient en tant qu'un autre Wookie dans la série. Un Jedi aussi, a priori. Mais c'est vrai qu'à part ça... Comment ? Oui, Jedi. Un Jedi, tout à fait. Bref, il y a beaucoup de monde. On a plein d'infos, mais pas tant de visuels que ça, en fait, pour l'instant. Rien d'officiel, en fait. Tous les visuels qu'on a, c'est beaucoup de photos qui ont été faites sur les tournages, des photos à l'arrache, des trucs comme ça. Ouais. Beaucoup de leaks, très peu d'infos officielles. Mais les writers pour les 8 épisodes, mais sinon, pas les réals ni rien, mais je pense. C'est bizarre qu'ils aient toujours pas sorti la bande-annonce. Enfin, je trouve. C'est pour ça, j'imagine que ce sera plutôt après août la sortie. Hein. Ah oui, c'est sûr. Est-ce que ça débordera sur l'année prochaine? J'ai pas l'impression que ce soit suggéré, mais bon, c'est possible, hein, ils aiment bien faire ça. Ensuite, la série qu'on attend tous, et toutes, et les autres, The Bad Batch saison 3. oui, c'est la fin des Harry clones. Oh putain, tu l'as vraiment fait. C'est la série phare de Adrien. Qui termine cette année. Alors bon, moi, j'ai décroché au milieu de la saison 2, mais elle était vachement mieux que la première. Et j'espère que, pour les personnes qui regardent, que ce sera tout aussi bien l'année prochaine. Enfin, la prochaine saison. Et que la fin sera bien. Mais moi, justement, j'ai très hâte de voir ce qu'on fera après. J'espère un truc très neuf. Plutôt qu'une série réattachée à une autre série, comme Bad Batch, c'est vraiment genre Clone Wars 2.0. J'aimerais vraiment voir un truc très neuf. Mais voilà, The Bad Batch, j'espère que vous attendez ça à fond, les bébés. Et bah, j'ai pas vu la saison 2, donc j'irai pas dire que j'attends à fond la saison 3. Et il y a aussi cette année la série que j'oublie tout le temps. J'oublie tout le temps qu'elle existe. Skeleton Crew, la série avec Jude Law. Jude Law. Ouais. Et pareil, pas vraiment beaucoup d'infos dessus. On sait qu'il y a Jude Law dedans. Mais on sait que ça fait partie un peu du Mandoverse. Mais au-delà de ça, il y a des enfants. Et c'est un peu je suppose que ça essaye de faire un truc un peu Goonies like. Bah oui, parce qu'on a quand même le synopsis, on a le synopsis de la série, donc c'est exactement ça. C'est quatre enfants qui Vas-y. Ces quatre enfants qui sont perdus et qui essayent de retrouver leur planète natale. Ouais, et là, pour le coup, cette fois-ci, on connaît des réals pour les réalisatrices. Parce qu'il y a John Watts, qui est un des deux créateurs de la série. Hein, John Watts, qui est connu pour sa trilogie Spider-Man, que tout le monde adore, évidemment. Adore. Daniel Kwan. Daniel Scheinert, jamais vu, je les connais, The Daniels, qui ont fait un des meilleurs films de tous les temps. Pardon, j'ai plus le nom, il est tout confus dans ma tête le nom maintenant. Tu confonds pas avec David Lowery? All at Once. Non, mais il y a David Lowery qui a fait un des meilleurs films de tous les temps aussi, The Green Knight. Exactement. Jack Schreier, que je ne connais pas du tout pour le coup. Bryce Dallas Howard, qu'on connaît, et qui tant mieux. Et est-ce que vous pensez, du coup, vu que ça fait partie du Mandoverse, est-ce que vous pensez que Bryce Dallas Howard va faire comme dans Boba Fett et aura un épisode qui est juste The Mandalorian qui s'est hijacké au milieu de la série? Ça serait incroyable. Franchement, ça serait incroyable. Lee Isaac Chung, que je ne connais pas non plus. Je sais pas du tout ce qu'il a fait. Ah, mais il a fait un des épisodes de Mando saison 3. Il a fait l'épisode The Convert. Oh, il a fait un des meilleurs épisodes de la série, en fait. L'épisode qui se passe sur Coruscant, qui suit le docteur Pershing. Ah! Oui, ok, je vois. Oui. Donc, cool. Cool. Ils ont mis des bonnes personnes, j'ai l'impression, sur ce projet. Et du coup, ça arrive cette année, Skeleton Crew, mais sans plus de précision. Voilà. Et qu'est-ce qui n'arrive pas cette année, par contre, a priori, Andor, ce sera pour 2025. Mais tant mieux. Laissons un peu de l'espace. On a déjà trois séries, dont deux séries live-action qui arrivent cette année. Donc, je pense que c'est bien d'avoir Andor l'année prochaine pour tout déglinguer. Et puis il faut qu'ils prennent leur temps avec Andor parce que c'est la saison 2 et la saison finale. Donc il faut qu'ils aillent tout doux pour faire déjà qu'ils ont été obligés de continuer le tournage alors que il y avait la grève. Comment ça se fait qu'ils ont le droit de continuer? Hein? Ils n'avaient pas le droit, mais Disney les oblige. Du coup, oui, ils ont continué la production pendant la grève. C'était pas idéal, mais bon. Tout en ayant, il me semble, Tony Gilroy qui soutenait clairement la grève aussi, donc tant mieux. Mais bah oui, parce du que coup, merde. Exactement. Pas le mot. Parce que merde. Comment il s'appelle le showrunner de la série? Tony Gilroy. Ouais. Lui, il était clairement pour la grève. Donc... Ouais, il s'en était pas caché, mais... Mais du coup, il était pas là pour bosser sur la... sur la sur série, la série. Du coup, lui. Ah bah non, il faisait la grève. Ouais. Mais bon, espérons que c'était très bien, quand même. Je vais vous poser la question vite fait, mais parmi tout ça, qu'est-ce que vous attendez le plus, du coup, mes petits nounours? Moi, du coup, je vais dire The Acolyte. C'est clairement la série que je vais attendre le plus ici, parce que on va avoir de la Haute République à l'écran, parce que le cast est incroyable, parce que on a une série qui change un petit peu du Mandoverse habituel, hein, parce que le Mandoverse, c'était jusqu'ici, on a eu soit via les dessins animés de la Clone Wars ou assimilé Clone Wars. Soit, je mets un petit peu de côté Rebels, mais parce que Rebels, je le mets quasiment plus côté Mandoverse maintenant, soit du Mandoverse. Et donc The Acolyte, ça va faire du bien hein, dans Star Wars, je pense, en termes de ce qu'on peut voir à l'écran et en termes de costumes, de ce qu'on va raconter, de design, de ce qu'on va voir, etc. Ça va être autre chose et ça va faire du bien. On a pratiquement tout le monde a oublié Star Wars Resistance, mais c'était mignon aussi. Et oui, c'est vrai, mais je l'ai complètement oublié. Bah ouais, non, mais pareil pour moi, alors que c'était une série que j'ai regardée avec les enfants et tout, c'était cool. Bon, même si ils préféraient Rebels parce que c'est génial, hein, donc forcément. Et toi, Maddy, qu'est-ce que tu attends le plus? Pour moi, c'est la suite d'Andor. Sans hésiter. The Acolyte, j'attends quand même de voir, même si tout laisse penser que ça sera bien, j'attends de voir la première bande-annonce avant d'être hypé. Ah, je vois. Il faut le voir pour le croire. Hein. C'est ça. Bon, ben, moi, de ce qui arrive cette année, effectivement, moi, c'est The Acolyte. Mais c'est vrai que dans le doute, Andor, c'est quand même, c'était quand même bien. Hein. Alors, je suis d'accord en fait. Si on inclut Andor dedans, j'attends Andor le plus aussi. Mais comme Andor ne sortira pas cette année, du coup. C'est vrai. Ouais. Pour cette année, c'est clairement The Acolyte pour moi. J'ai confiance pour celle-là. Les autres, je sais pas trop, mais ça, je. J'ai confiance. Et en parlant de choses où, bon, je sais pas trop, passons aux jeux vidéo cette année. avec, évidemment, comme nous l'a si éloquemment dit notre cher Yves Guillemot National, Star Wars Outlook. Star Wars Outlaws par Ubisoft qui sort cette année. Pas vraiment de date encore une fois. Mais on a déjà vu un peu de gameplay cette année et on était vraiment hypé en voyant ça. Non, je plaisante. Moi, ça m'avait un peu refroidi même. J'étais pas. Mais ça sort cette année. Donc, jeu monde ouvert. Et justement, c'est un truc auquel j'ai pensé aujourd'hui, c'est que. Ils disent monde ouvert, mais est-ce que le monde ouvert, ça se prête vraiment au rythme un peu soutenu de Star Wars en général? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui est. Oui, c'est un peu lent le monde ouvert. Audiovisuel de Star Wars, ça bouge bien, mais il y a rien qui bouge moins que les jeux en. Qui s'open world. En open world, c'est beaucoup de marcher, de se déplacer dans des trucs un peu en silence. Bah, je parlais justement de ça avec quelqu'un hier qui trouvait que les open world c'était vraiment trop lent aujourd'hui. Les gens ils aiment bien faire leur jeu vite aujourd'hui, que ce soit pas trop long, et c'est vrai que pour le coup l'open world ça se prête pas à ça, mais. C'est vrai que si Star Wars, qui est toujours un peu haletant comme rythme. Ouais. Ouais. Bah, c'était ce que je me disais. Est-ce que ce sera bien adapté? En plus, je crois que Ika, toi, t'as des réserves aussi concernant le gameplay, c'est ça? Ouais, bah alors concernant le monde ouvert, déjà, ouais, bon, on a déjà vu du Star Wars un peu monde ouvert avec les MMO, même avec les JDR, avec KOTOR et tout ça, et ça marchait plutôt bien pour le coup, donc à voir. Le rythme lent avec beaucoup de dialogues, beaucoup de marches lentes, etc., c'est pas forcément un problème si l'environnement est chouette et Star Wars a des beaux environnements à donner. Donc moi, c'est pas trop ce qui me fait peur en vérité. Moi, ce qui me fait peur, c'est que quand j'ai vu le premier trailer et la première phase de gameplay qui avait été présentée, j'ai vu The Division, en fait. Et moi, The Division, c'est un jeu que j'ai détesté. J'ai vraiment... j'ai trouvé ça plat, j'ai trouvé ça nul, j'ai pas aimé les mécaniques de gameplay, il y a rien qui m'a plu dans The Division. Et voir The Division, quand ils ont montré Outlook, du coup, ça me fait vraiment, vraiment peur, en fait. Pas peur que ça soit un mauvais jeu, parce que je peux pas dire concrètement que The Division c'était des mauvais jeux, c'était juste pas ma cam, je pense, et j'ai peur qu'Outlaws ça soit juste pas ma cam, tout simplement. Après, à voir, hein. Ça se trouve je vais complètement adhérer au truc, je vais adorer tout, mais Je suis pas du tout hypé par le jeu, moi, aujourd'hui. Hein. Ouais, je peux pas dire vraiment que je suis hypé non plus. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Hein. Moi, j'étais absolument pas du tout hypé par Fallen Order. Et on sait très bien comment ça a fini. Donc, gardons l'esprit ouvert. Mais ouais, en fait, j'ai été... Quand le trailer, le gameplay était sorti, j'étais un peu... Il y avait quelques petits trucs qui étaient vraiment sympas. Et en même temps, à partir du moment où il y a eu de l'action, j'ai trouvé ça hyper chiant. j'ai trouvé ça vraiment très chiant. Après, effectivement, je vois que Massive, ils ont aussi fait récemment le jeu Avatar. Et je crois que j'ai vu que des avis... Oui, j'ai fait pas mal d'avis positifs dessus. Bah, c'est Far Cry Avatar, quoi. C'est ça, mais ils ont aidé seulement sur Avatar, c'est pas eux les développeurs principaux aussi. Ah, ils ont juste aidé. Bah non, développeur Massive Entertainment. Ok, ok. Non, non, mais c'était une vraie question, hein. Je demandais. Eh bien, c'est étonnant qu'ils arrivent à nous sortir Outlaws après avoir travaillé pendant je sais pas combien d'années sur Avatar, qui a pris un temps fou. Avatar, il a été annoncé je sais plus il y a combien de temps, et qu'ils nous arrivent à nous sortir un Outlaws si vite. Ouais, ils ont peut-être beaucoup d'équipes. Je sais pas si c'est très gros, Massive. Le jeu, il a été annoncé. Ils sont massifs. Frontier en Spandora, il a été annoncé en 2017. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'était il y a longtemps. Ah oui, il a été annoncé il y a très très longtemps. Ils ont mis un temps fou à le développer. Ah, c'est parce qu'ils étaient sur Star Wars en même temps. Et du coup, ils sortent les deux à quelques mois d'écart. Après, je découvre qu'ils sont 750 dans la boîte. Donc, c'est énorme. En fait, c'est un très gros studio, effectivement. Il est massif. Oh putain, ta gueule. À un moment, vous allez encore rigoler. Vous allez... je savais que vous ne m'aviez pas entendu la première fois. Ika est encore évidemment parti, aussi parmi les trucs. Alors par contre, le jeu était très très joli. Hein. On a vu quelques environnements du jeu, comme Tatooine que tout le monde attendait de revoir, Kijimi, la planète qui explose que tout le monde a oublié qu'elle explosait dans Star Wars épisode 9, Akiva qui était dans les romans. Comment ça s'appelle, Aftermath, qui se passait juste pendant l'année entre la bataille d'Andorre et la chute de l'Empire. Et on avait vu aussi une nouvelle planète, désolé, je crois que c'est celle où le gameplay se passait, une lune qui s'appelle Toshara, inspirée de la savane de Tanzanie. Et dont je parlais en stream en disant que ça me rappelait beaucoup Kobo. Voilà. Mais bon, on verra bien comment ça se développe, cette histoire. Encore une fois, pas de date complète de sortie pour le jeu, mais ça arrivera cette année. Et, bah, je suppose que je vais quand même devoir y jouer, hein, parce que c'est Star Wars. Et aussi, il y a le sexy droïde qu'on a oublié dans le... Oh, mais oui, c'est vrai. Ok, je jouerai. Effectivement, oublier tout, on va tous y jouer. ensuite, toujours dans les jeux vidéo, Ika, tu m'as rappelé l'existence de quelque chose. Est-ce que tu veux en parler vite fait? Eh bien, pourquoi pas. Tu veux parler du jeu de Bitreactor, je suppose? Oui, le jeu de Bitreactor. Mais qu'est-ce que c'est, Ika, Bitreactor? Bitreactor, c'est un studio qui a été fondé par des anciens employés de Firaxis qui travaillaient sur la saga XCOM. Et c'est même, il y a même la tête de XCOM qui est dans les fondateurs de Bitreactor. Et vous savez, la tête d'Alien, là. Ainsi que le designer principal de Civilization 3, je crois, ou 4, je sais plus son nom, qui fait partie des deux fondateurs. Là. Donc, c'est des mecs qui font surtout du jeu de stratégie, du jeu de gestion. Et on sait qu'ils sont sur un jeu Star Wars. Ça a été annoncé il y a l'année dernière, déjà. enfin en deux, ouais, début 2023 ou voire fin 2022. Et la fenêtre de sortie estimée du jeu, c'est 2024. Et il y a deux jeux qui pourraient sortir en 2024, mais on n'a aucune info, dont celui-là. Et il y a des chances que ça soit un petit jeu, parce que c'est pas un gros studio. Donc ça serait pas un énorme triple A, probablement un simple double A, XCOM-like, dans l'univers de Star Wars. Donc lui, il faut pas l'oublier, il y a des grandes chances quand même qu'on en entende parler cette année. Avec peut-être une sortie, ce serait bien quand même. Bah, si c'est un petit jeu de stratégie typique XCOM, oui, ils peuvent très bien communiquer dessus assez tardivement et le sortir rapidement. Parce que c'est pas des jeux qui sont énormément. C'est des jeux de niche, quoi, il faut dire ce qu'il y a. Mais ça nous ferait du bien, surtout qu'ici, dans l'équipe, on aime beaucoup ce type de jeu. Ouais, tout à fait. Hein. C'est quelque chose que j'attends avec impatience. J'ai vu que Adrien s'était mis à. Comment ça s'appelle ? Marvel's Midnight Suns. Et c'est le même type de jeu, hein, et il a l'air de bien aimer, du coup. Il aime beaucoup XCOM, Adrien, aussi. Je pense que, on va beaucoup apprécier ça quand ça arrivera, je pense. Et puis ça fait du bien aussi, c'est quelque chose que je demande depuis des années, hein. C'est des jeux Star Wars plus petits, mais aussi plus variés. Personnellement, je sais que c'est un peu sujet à débat des fois quand on rappelle son existence, mais Squadrons, personnellement, j'étais hyper hyper content quand il est sorti. J'ai bien aimé y jouer. C'était fun, c'était un plus petit jeu, et il était super pour ce qu'il proposait. Ouais, je suis d'accord. Je veux plus de ça. Et globalement, ça rappelle une bonne époque jeux vidéo de Star Wars, à l'époque un peu LucasArts, mais où il y avait beaucoup plus de petits projets. Hein. Des jeux stratégie Star Wars, on en a eu beaucoup. C'était pas des gros jeux. Notamment, l'un des plus connus, c'est Galactic Battleground, qui était juste en fait un... Le jeu de Ximnut, là. Ouais, le jeu de Ximnut. Mais moi, j'y avais beaucoup joué ado et plus jeune. Et en fait, c'est un jeu, c'est juste un, comment on peut appeler ça, un swap color presque de Age of Empire. Hein. C'est les mêmes mécaniques, c'est le même moteur, c'est même le même éditeur de map. Et ouais, tout. Ouais. Mais ça marchait super bien. Il y a encore bien, des gens qui modent. Ouais. De nos jours, hein. Il y a encore des gens qui modent le jeu. Hein. Ouais, pour ajouter le nouvel ordre, pour ajouter tout ce qu'il y a dans les derniers films est présent dans Galactic Battleground avec des mods. Donc ouais, c'est des petits jeux comme ça, on aimerait voir plus. Et Star Wars avait cette culture-là. Du petit jeu, mais très varié. On a eu de tout dans Star Wars avec le temps. Et ces dernières années, un peu moins. Mais peut-être, on peut peut-être espérer que ça revienne sur ce type de direction. Ouais. Quoi. Tout à fait. Surtout que ça avait bien marché hein, aussi quand ils avaient fait Squadrons. Donc il n'y a pas de raison que les autres plus petits jeux ne fonctionnent pas. Et à quand le 4X Star Wars ? Nous, on attend que ça aussi, hein, franchement. Ouais, bah alors là, c'est tellement de niche pour le coup. Ah oui, bah oui, mais même. et encore aussi, je sais pas si c'est cette année, mais oublions pas que nos chers amis de Respawn Entertainment, qui font la saga des Jedi Outlook et Jedi Survivor, évidemment. Nos fameux Outlook qui s'infiltre partout, Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, ils travaillent aussi sur un jeu FPS, parce que eux à la base ils étaient connus pour leur jeu FPS Titanfall 1 et 2. Alors mieux que ça, et mieux que ça. Et Apex. Et Call of Duty. Et Apex. Oh, purée, j'ai oublié. En fait, c'est ceux Apex qui ont fondé le studio, c'est ceux qui ont. Ceux qui ont fondé Respawn, c'est ceux qui avaient fondé, je sais plus comment s'appelle le studio, mais ceux qui ont créé Call of Duty. Enfin, voilà, ils sont absolument connus, surtout pour leur FPS au départ. Ouais. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment plus de détails dessus. Peut-être plus d'infos cette année. Ça pourra pas être pire que Battlefront, de toute façon. Mais le problème de Battlefront 2, c'est que c'était fun et en même temps c'était une grosse arnaque. Donc non, moi j'avais passé un bon moment sur la campagne solo. Ouais, la campagne était bien, mais le multi était. Ah oui, oui. Mais je fais plus confiance à Respawn qu'à DICE de toute façon en général. Hein. et aussi Respawn, ils vont faire. Il n'y a pas que le FPS qui est annoncé, il y a aussi un jeu de stratégie. Voilà. Voilà, Respawn, ils ont décidé de faire plein. En fait, le jeu stratégie, c'est celui de Bitreactor, parce que Respawn, ils sont en soutien de Bitreactor. Oui. C'est pour ça. D'accord. Ils bossent ensemble dessus. Mais oui, Respawn, c'est... Moi, ça me fait plaisir de les voir un petit peu partout. J'espère qu'ils travaillent... Ils se overwork pas, je me souviens plus comment on dit, mais jusqu'ici, ils ont pas donné... Ils ont montré qu'on peut leur faire confiance jusqu'ici. Voilà. Et alors, parce que du coup, je découvre, en regardant un peu la taille de Respawn sur Internet, c'est pas un gros studio, hein. Ils sont pas tant. Hein. Ils sont quand même plus de deux fois moins que Massive. Hein. Ah putain, ouais, en 2019, ils étaient 315. Ouais, c'est mais ils sont peut-être studio. Plus maintenant. Ils sont peut-être plus. Ça peut recruter très beaucoup dans le jeu vidéo et puis ils font beaucoup de sous-traitance. Là où Massive en fait peut-être très peu. Parce que c'est vrai, dans le jeu vidéo, de plus en plus, il y a énormément de sous-traitance. En fait, quand on vous dit que c'était le studio qui a travaillé dessus, en vérité, il y a 15 studios en dessous qui ont bossé dessus. Et on ne parle pas forcément. Hein, mais. Donc il y a peut-être beaucoup de sous-traitance, mais ça reste un petit studio. Enfin, un petit studio, pas du tout. 300, plus de 300 personnes, c'est pas un petit studio, mais c'est pas un studio calibré pour faire du triple A normalement, par contre. Mais ouais, justement, le truc avec Respawn, c'est que le seul souci qu'il y a eu avec Respawn, c'était tous les bugs de Fallen Order. Mais est-ce que c'est vraiment leur faute? Moi, je dirais que c'est la faute de EA. Pas de leur faute à eux. J'ai cru que t'allais dire la faute de Ika, j'ai bugué. C'est aussi la faute de Ika et Adrien d'ailleurs, vous l'avez entendu ici. Mais pour moi, Survivor, clairement mon top 3 des jeux de l'année dernière. J'ai Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 et Jedi Survivor. Pour moi, c'est les trois meilleurs jeux de l'année dernière. Je sais qu'il y a eu Zelda, mais j'ai très vite lâché le jeu. Mais je sais que c'est un très bon jeu, mais voilà. De manière personnelle, Survivor a vraiment touché tout ce que je voulais. Et même là, en stream, j'y rejoue et je suis comme un gamin en recommençant le jeu. Vraiment, un jeu qui était fait pour moi. Donc je ne peux que demander plus de Respawn. Continuez ce que vous faites. Même si je suis nul au FPS. Ensuite, nous, on a des gros cerveaux. Ici, hein, je pense que ça sert. Hein, je veux dire, on est très intelligent et on est même sapiosexuel. Et donc qu'est-ce qui sort en livre cette année? Bah, franchement, j'en ai aucune idée, mais il y a la Haute République phase 3 et je pense que c'est le truc phare cette année en termes de publication. C'est la phase 3 a super bien commencé pour moi, on va en parler bientôt. Tu qui es en train de lire The Eye of Darkness. Mais voilà, en ce qui concerne la VO en anglais, cette année, on a 1, 2, 3, 4, 5 livres de la Haute République qui sortent. 2 young adult, 1 enfant et 1 adulte. Et on commence dès le 30 janvier avec Escape from Valo, le roman Jeunesse par Daniel Hoseholder et Alyssa Wong, que vous connaissez forcément parce qu'on les adore ici. L'un des deux s'occupe de tout ce qui est jeunesse dans la Haute République depuis pratiquement le début. Enfin, pas tout, mais il a fait plusieurs romans et plusieurs séries de comics Adventures. Et Alyssa Wong, qui est connue parce que elle fait la série Afra, qui d'ailleurs terminera cette année en comics. Ensuite, le 12 mars, Defy the Storm, le roman jeune adulte, par Tessa Gratton et Justina Ireland, qui ont déjà fait un livre ensemble pour la phase 2 qui était très très bien. Et très bien, plus de ça, si c'était très bien, pourquoi s'arrêter? Ensuite, alors là, on n'a plus de date précise, mais en été, on aura Temptation of the Force, donc le deuxième livre adulte, deuxième roman adulte qui fait la suite de The Eye of Darkness, qui sera écrit par Tessa Gratton, qui du coup écrit aussi Defy the Storm. Pour l'instant, j'ai pas de plus d'infos par rapport à ça, mais vu comment c'était bien parti, j'ai très très hâte. Et ensuite, en fin d'année, on aura Tears of the Nameless par George Mann, un roman jeune adulte qui, du coup, George Mann est celui qui a écrit The Eye of Darkness, qui était le premier roman adulte de cette phase-là. Donc voilà, il y avait beaucoup, beaucoup... Ah, pardon, j'en ai loupé un. Et en été aussi, il y a aussi Beware the Nameless par Zoraida Cordova, qui avait aussi fait un des romans principaux de la phase 2, qui était Cataclysme. Et celui-là, c'est pour le roman enfant. Donc voilà, bref, pardon, je parle. Mais énormément de trucs à attendre et... très bien, parce que la Haute République, c'est super cool. Et ça s'étendra jusque l'année prochaine, jusqu'en 2025. Il y a des sorties 2025 pour la Haute République ? La phase 3 s'étend jusqu'en 2025 ? Les trois derniers romans, le dernier roman de chaque catégorie, donc le dernier adulte, dernier young adult et dernier jeunesse, sortent tous... en spring. Attends, c'est quoi spring? Printemps. Au printemps 2025. Et vu comment c'est, alors ce qui est bien, c'est qu'en plus ils finissent avec les mêmes autoristes qui avaient commencé pour faire une belle boucle. Voilà, ça c'est bien, ça c'est très Star Wars. Et du coup, je pense que tout sortira plus ou moins assez proche, mais en 2025. Voilà, j'ai énormément parlé. On a déjà parlé de possibilité du film Ray avec plus d'annonces. Mais du coup, j'ai cassé ton. Évidemment, conducteur. Je pense qu'il y aura aussi d'autres choses. Comment ? Du coup, j'avais cassé ton conducteur en me disant on se débarrasse. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Du non-sujet des films. et peut-être d'autres choses par rapport au film. On verra bien. J'ai l'impression que le truc qui va me faire le plus plaisir cette année, ce sera les annonces de trucs qui arriveront plus tard. J'espère juste que The Acolyte sera au-dessus de tout ça. Et ensuite, je voulais finir en vous demandant mes petits bébés d'amour que j'aime, je vous aime tellement fort. Et du coup, je vais demander d'abord à Maddy. qu'est-ce que tu attends cette année en dehors de Star Wars ? En dehors de Star Wars ? Ouais. Moi, je voudrais une saison 2 de Willow. Mais non, mais des choses qui arrivent. Ah ! Qu'est-ce je préfère que tu pas attends de choses qui arrivent cette année ? Rien du tout. Advienne que pourra. Hein. Moi, j'ai hâte qu'on fasse plus de trucs. Oui, tout voilà, ensemble. Super. Attends, mais il y a plein de trucs qui ont l'air fun. Enfin, il y a principalement trois trucs qui m'intéressent, moi, cette année. Mais je vais peut-être te demander, Aïka, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui t'intéresse cette année. Non, il n'y a rien, rien du tout. Non, il y a Dune, le mois prochain, bien entendu. Et personne ne pourra jouer à la surprise. C'est pas en mars ? Pas chez nous, en France, ça arrive avant. Donc nous, c'est le mois prochain. Oh, les bâtards. Et comme pour la première partie d'ailleurs, ils avaient sorti le film avant en France. Ça arrive de temps en temps sur certains produits, je sais pas pourquoi. J'ai pas l'explication à ça. C'était plus un truc du passé, je pensais, mais... Non, moi j'ai plus encore. Et là, c'est encore le cas, ouais. Mais sinon, dans les attentes de l'année, c'est une bonne question quand même. Je sais pas si j'ai de grosses... Si, peut-être pourquoi pas... maintenant qu'elle a été confirmée, on peut peut-être espérer la Good Omens Season 3. Oh, oui, mais ce ne sera pas cette année. Oh, je ne savais pas. Non, c'est pour 2025, ils ont dit minimum. Ah, ok. Bon, bah voilà, bah, j'attends rien. Ah, bon, quand même. Rien du tout. Voilà, moi, je regarde, si, en fait, il y a plein de trucs que vidéo, j'attends. Du jeu vidéo, il y a des jeux que j'attends beaucoup. Il y a FF7, voilà, Rebirth, il y a Dragon's Dogma 2. Moi, je suis vraiment une grande fan de Dragon's Dogma, donc le 2, je l'attends beaucoup. Hellblade 2 aussi, qui devait arriver cette année, on va espérer. Hades 2, bien sûr. Donc, en niveau jeu vidéo, et peut-être un jour Silksong, Hollow Knight, on verra bien. Silksong. Ah, c'est beau, la désillusion. Oh, ma poupinette. Oui, je l'attends si fort. Je l'attends beaucoup. Mais je suis sûr que quand il sortira, ce sera un des meilleurs jeux. Hein, mais il y a aussi Wolf Among Us 2, d'ailleurs. Putain, la vache. Oh, oui. Tellement, tellement longtemps pour ça. Il y a aussi, évidemment, il faut que je le dise pour Adrien, Like a Dragon 8, Infinite Wealth, qui a l'air génial pour ceux qui aiment la série, comme Adrien et moi aussi. Même si je suis loin d'être au niveau d'Adrien, Skull and Bones, peut-être que ça on sera s'en bien, fout mais j'ai l'impression que bof, pas trop pour moi, mais et en termes de films, évidemment, tout le monde attend comment ça s'appelle Kung Fu Panda 4, évidemment. Je l'attends pas du tout, en vrai. Ouais, pas du tout, effectivement. Rien à branler. Non, je regarde les films là. Ah, il y a Paddington. Ouais, ça aussi, ouais. Paddington Brown. Il y a moyen que ce soit bien Paddington. Il y a pas la vache, un Gladiator 2 aussi. Si, en novembre. Ah, mais si, je sais ce que j'attends et j'espère en 2024, mais a priori ce sera peut-être pour 2025 aussi. Ça serait la série Seigneur des Anneaux, la saison 2. Ah, sûrement l'année prochaine. Et le film Furiosa aussi, que j'aimerais bien voir en parlant de ça. Ah ouais. Ah oui, Furiosa, c'est cette année, ça, c'est en mai. Oui, on a eu la bande-annonce il y a quelques semaines, là. Donc c'est bientôt. La triple release, Kingdom of the Planet of the Apes, Furiosa et The Garfield Movie. Avec Chris Pratt. Bah, les trois films avec Chris Pratt. Toute façon. Quoi? Tous les films avec Chris Pratt, tu disais? Oui. C'est une blague. En vrai, il y a A Quiet Place 3, les deux premiers étaient sympas. Ah si, il y a un truc dont on n'a pas du tout entendu parler, mais le contrat stipulé qu'il était censé sortir son film pour 2024, donc on verra bien, c'est le prochain film de Rian Johnson pour Netflix. Ah bah. Qui serait sûrement à couteau tiré 3, quoi. Oh là là. Oh la vache, vous vous rendez compte qu'il était sorti en 2022? Ah non, arrête. Glass Onion? La vache. Et que je l'avais vu grâce à Tuki en avant-première à Londres le jour de mon anniversaire. Tu avais détesté, tu nous avais dit à l'avant-première, ouais, ne le regarde jamais, c'est de la grosse daube. Rian Johnson, c'est qu'un connard, je m'en souviens. Oui, exactement. Je dis putain, c'est quoi, c'est vraiment un truc de wokiste de merde. Anyway, vraiment aucun film qui a l'air intéressant du tout cette année. Surtout si tu regardes des films où il y a du sable dedans, ça a l'air pourri à souhait. C'est tellement spécifique. Tu vas recevoir une lettre d'Anthrax, faudra pas t'étonner. Il parle de Furiosa, je pense. Bah, il y en a deux qui sortent où il y a beaucoup de sable, Ika. Au moins deux. Je vois pas. Il y en a un, ça s'appelle Partout, je sais pas ce que c'est. Dunk. Ah oui, non, mais tu parles. Sinon, il y a Sonic 3. C'est tout con, mais moi j'ai beaucoup aimé 1 et 2, alors j'attends de voir le 3. Moi j'ai pas ah du ouais, tout. Ah ouais, va y avoir Shadow en plus. Fun, mais... Ah oui, oh bah faut qu'on regarde alors. Ça va être stylé de ouf. Anyway, on est complètement perdu. Mais pour le coup, au niveau jeu vidéo, celui que j'attends vraiment, vraiment, vraiment, c'est FF7. Puis. Oh. Il sort le mois prochain aussi, voilà, non quoi. Bientôt. Mars, peut-être. Il sort le mois prochain, mais je pense pas que je vais pouvoir y jouer le mois prochain. voilà, bref. Merci tout le monde. Vous savez quoi? Dites-nous dans les commentaires les trucs Star Wars que vous attendez et les trucs pas Star Wars que vous attendez. Je sais pas où il y a des commentaires, mais s'il y en a sur la plateforme où vous nous écoutez, n'hésitez pas. Et nous, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite une très bonne année, la meilleure santé et évidemment énormément, énormément de sexe. Voilà, bisous. Des bisous à toutes et à tous. À la prochaine. Tout le monde. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millenial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous. Sauf si vous êtes Ace. Je rajoute ça après le générique. Bah, ils peuvent aimer les bisous quand même. Non, mais je parlais de moi qui disais énormément de sexe. Ah oui, d'accord. Ah, oh, je vous adore.